la terre, au temps des fusées, au temps du clair de la terre, qu'est-ce qui te fait rêver? Je pense à Noël, je pense à Noël, à tout ce qui arriva à ce petit enfant-là. Il était si nu, si pauvre, qu'on l'avait couché. Il était si nu, si pauvre, dans la paille des bergers. Mais ça le piquait, il devait pleurer. Et son père charpentier, un lit pouvait lui clouer. Mais les soldats à leur suite voulaient les tuer. Mais les soldats à leur suite les forçaient à se cacher. Je ne comprends pas, ça ne se peut pas. Les rois mages, les mains pleines d'or, et quand vinrent les rois mages, lui donnèrent leur trésor. Ils auraient mieux fait d'apporter du lait, des couvertures et des draps pour qu'il ait un peu moins froid. Pour toi, c'est une légende qui vient de bien loin. Pour toi, c'est une légende, tu ne comprends pas très bien. Ce que je comprends, c'est que les méchants devraient devenir meilleurs avec Noël dans le cœur. Au temps du clair de la terre, tu as bien compris, tous les guerriers de la terre devraient bien comprendre aussi que Noël c'était rien qu'un peu de paix. Face à tous les méchants, rien qu'un tout petit enfant, que Noël